Tonight, we come together, bound by our faith, with genuine respect, and inheriting the legacy of a great party. This is not a perfect party. We are not a perfect people. Yet we are called to a perfect mission. Eh oui, bonjour, ouais. Il y a eu un petit bug dans la matrice. Bon, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Oh, c'est pas grave. Bon, eh bien, bonjour à tous dans cette émission de la boîte à bordel qui s'annonce électrochargée comme le soleil qui émet des particules très, très, très puissamment, là. Et qui a fait un blackout radio, d'ailleurs, voilà, en Pacifique. C'est, voilà. Et donc, on aura peut-être des aurores boréales dans la nuit de mardi à mercredi. Si vous êtes sous une voûte étoilée et que vous aimez prendre des particules, eh ben, mettez-vous regardez le ciel. Et du coup, aujourd'hui, rien à voir avec les particules, malgré tout, on va aller dans l'électronique encore, parce que tout ça c'est encore une histoire de chimie, de physique, etc. Donc je me suis dit, tiens, et si on allait sur un label de musique électronique anglais qui fait de l'IDM, parce que j'aime bien l'IDM. Et du coup, j'ai cherché en fait sur des sites qui répertoriaient un petit peu les labels que j'avais déjà présentés, écoutés, pour recouper avec des artistes que j'avais déjà passés, entendus, pour aller explorer davantage. Et je suis tombée sur un label qui me plaisait pas mal au niveau de la proposition, qui s'appelle Love Records. Alors c'est un label anglais, hein, qui est très UK bass, hein, vous savez, jungle, drum and bass, tout ça. Mais malgré tout, en fouillant dans les albums un petit peu des projets de traverse, on va dire, je suis tombée sur des choses qui méritaient une attention particulière. Parce que bon, c'est bien la jungle, tout ça, quand on va en soirée, on se tartine bien avec le drum and bass, etc. Mais je trouve que en France, en tout cas, les projets un petit peu atypiques, c'est peut-être pas forcément de la musique qu'on écoute en soirée, en plus de la musique qu'on écoute au casque, c'est une écoute différente. Donc je me disais que c'était tout à propos dans la boîte à bordel, évidemment. Donc, j'ai une petite heure et demie de sélection de ce label qui est toujours actif, qui œuvrait plus dans les années 2010, mais qui a le mérite de fouiller un petit peu dans tout ce qui est un petit peu les artistes qui reprennent un petit peu ce qui existait dans les années 90 en le remettant un peu au goût du jour. Et je trouve ça c'est intéressant de toujours, j'aime bien le mot intéressant, d'aller explorer dans cette direction. Voilà. Alors je viens de faire une improvisation parce que j'avais fait un texte et je le retrouve plus. Voilà. C'est dingue. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Au moins on a la musique. Ça c'est bien. Alors, allons-y gaiement. Hein, avec pour commencer un artiste qui s'appelle Terminal 11 Terminal 11 and after, après on aura Lux Anger, ensuite il y aura Rolando Simons. Alors c'est surtout pour cet artiste là qui a sorti un album qui s'appelle Animatronics là sur ce label, mais parce que j'affectionne particulièrement Rolando Simons, qui est un artiste que je vous avais présenté, qui est suédois et qui a un univers complètement assez fou en même temps, très très sophistiqué. Et voilà. Et il y a Ben Pest et ensuite qui est aussi pas mal dans son genre. Allez, on commence avec Watch Me Burn et un autre morceau de de Terminal 11. Enfin, vous verrez bien, Harmless Cow. Mais je voulais commencer par Harmless Cow. Oh là là. Bon. Vous êtes prêts? Vous êtes là? C'est la boîte à bordel? 1h30 encore et après on aura des nouveautés, hein, qu'est-ce que c'est et on ira se coucher. Voilà. Super. Thank you. We'll be right back. Hey, hey, toujours dans la boîte à bordel. J'espère que ça va pour vous dans ce grand bordel musical où je vous propose une petite sélection d'un label électro qui s'appelle Love Love Records, un label anglais qui vient du... Alors, j'ai retrouvé ma fiche que j'avais perdue. J'ai fait tout digital. Habituellement, je prends du papier, j'écris, j'aime bien écrire. Mais là, j'avais tapé avec mon clavier. Et c'est un label donc, qui vient de Colchester. Donc, c'est au nord-est de Londres. Il y a Londres, et, c'est une ville qui est au bord de la mer qui s'appelle Colchester. Voilà. Et donc, on a écouté pour les oreilles. Un producteur s'appelait Terminal Eleven avec le morceau. Alors j'en ai pris qu'un parce que comme j'ai commencé en retard parce que la CNT avait des choses à dire. Alors je les ai laissés dire, mais bon, moi je suis arrivée juste pour m'installer. Donc j'ai fait du cut. Donc j'ai mis un morceau qui s'appelait Harmless Chaos de l'album éponyme. Il me semble que ça c'est sorti en 2024. Hein. Tout ça c'est, enfin les. Alors j'ai fait une sélection un petit peu. Comment est-ce que je pourrais dire anachronique. C'est-à-dire que je vais du plus récent au plus ancien dans les sorties. Voilà. Comme ça, ça peut être intéressant aussi d'avoir une écoute globale d'un label, on va dire, globale, on s'entend, mais désanachroniquement. Ouais. Décroissancement. Ouais. Ça, j'aime bien le néologisme aussi, c'est sympa. Après, on a eu Lux Hanger. Avec le morceau Particle Swarm d'un album qui est sorti en avril 2025 qui s'appelait Sailing Walker. Lui, c'est un anglais. Celui d'avant, c'était Terminal Eleven, c'est un producteur américain, de Phoenix. Après, il y avait Rolando Simons avec sa dernière sortie qui s'appelle Animatronics. Et le morceau c'était Retinal Caustique. Et après on avait eu Ben Pest et Cursa avec Totally Keepered sur un album qui s'appelait Hide Rate, sorti en mai 2024, et Ben Pest tout seul après avec My First Rodeo sur un album qui s'appelait Cancel Couture, et ça c'était sorti en juillet 2023. Voilà, c'était un peu genre, j'aimais bien ce son un peu techno, tribal, acide. Enfin, ce que j'aime bien, voilà, c'est qu'ils vont explorer un petit peu tous les genres et ils vont mélanger pour faire un son qui est assez original. Voilà, ils se contentent pas d'être dans un genre. J'aime bien ces manières d'aller explorer et de marier un peu tout pour faire des sons assez originaux. Et alors, on va continuer avec Meat Beat Manifesto et VHS. Après, il y aura Digone, que je vous avais déjà passé. C'est un peu jazzy, drum and bass. Carl Brown et Enge. Enge, ouais. J'allais dire, c'est pas tout de suite. Je croyais que le morceau avec VHS, c'était le son qui était un peu orienté, un peu comme Truth, un peu 81, mais c'est pas celui-là. Et tout à l'heure, il y en aura un qui sera dans cet esprit-là. Donc c'est pour ça, j'aime bien. Il y a plein de choses à écouter sur ce label-là. Il y avait même de la hardcore. En rock, voilà, mais je l'ai pas passé. Bon, faut faire des choix, des fois qui sont durs, hein, mais bon, c'est pour se préserver. Donc j'ai dit là, on a Meat Beat Manifesto d'abord, et ensuite on aura Digone. Ouais, c'est dans l'ordre, tout ça. Bon, il y aura le tracklist sur radiodio.org avec le podcast si vous n'avez pas eu le temps, ou si vous êtes fatigué, que vous en avez marre, que vous voulez aller vous coucher, que vous êtes sur la route et puis que vous avez fait votre trajet. Vous pourrez écouter ultérieurement. Ouais, je vous le promets. Voilà. Meet, beat, manifesto. Ah oui, c'est... Thank you. We'll be right back. Et vous êtes toujours sur le 895 de Radio Duo, la bande UK Bass pour ce soir, mais pas totalement parce que ben on va aller explorer d'autres horizons dans donc le label Love Record, le label. C'est comme Radio Duo, mais je l'ai pas encore trouvé le label. Enfin, peu importe. On vient d'écouter Ronkt. Alors c'est pas Ronkt to Duo comme dirait Gaston Legaffe, mais Ronkt Wald avec le morceau Foreshadow. Hein, qui est, je trouve avec cette sensibilité british qu'on n'a pas trop dans les petites soirées qu'on nous propose actuellement. Ou alors il faut que je ressorte peut-être. Les choses ont changé, mais j'y crois pas. Moi, je pense qu'on est toujours dans le monde de l'infrabasse et de du wobble et des autres effets qui montent et qui descendent. Et je te refous de la basse et voilà, et on est bien en France, quoi. On n'est pas en Angleterre, c'est sûr. Mais bon, c'est pas grave, je vais m'y faire. Voilà. Donc c'était un morceau qui s'appelait Foreshadow sur un album qui s'appelait The New Selector, Volume 3. Et avant, on avait Goldie, l'artiste Ange, ah ouais, complètement de délire, un projet un peu fou où il est, il invoque un peu les forces spatiales, etc. C'est assez rigolo. Le morceau s'appelait Goldilocks. C'est plutôt Goldie Bee. qui est plutôt invité dans les soirées basses parties en France, mais Ange ne l'ai pas trop vu. Hein. Bon, peut-être qu'un jour, on verra bien. Et le morceau s'appelait Exocosme, oui, parce que le cosmos, plus loin que le cosmos, c'est... on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une finitude des choses dans cet univers ? Personne ne peut répondre. Avant, on avait le projet très 80s California Sunset de Carl Brown avec un morceau qui s'appelait Set Ad 87 et sur un album qui s'appelle Koto avec une esthétique un peu japonisante. Et avant, on avait Digone avec le morceau Invisible Sandwich sur un album qui s'appelait Undesigned Ted Proximate. C'est comme ce que je viens de dire. Avant, on avait donc le morceau d'introduction de cette deuxième petite partie s'appelait Pandémique avec un artiste appelé Meat Beat Manifesto sur un album qui s'appelait Man from Mantis. Bon, on continue, il est 21h39 et j'espère que vous êtes toujours attentifs. Ce que je veux passer, bon, ça fait passer le temps. Après, donc, on a un artiste qui s'appelle Chevron, c'est pas mal, Rolando Simons, mais en fait, vu que je reviens dans le temps, je retourne vers le passé et du futur. C'est donc un album de Rolando Simons dans la première publication qu'il a fait sur le label Love Records. Après, il y aura Ruby My Dear que je vous avais déjà passé, qui est très un peu à la Square Pusher, très ça part dans tous les sens en breakbeat, hein, donc faut suivre. C'est vrai que moi j'aime bien, ce son un peu comme parquet, je sais pas si vous connaissez un petit peu dans où il y a comment Arthur de je sais plus son nom de famille, mais sur Instagram où il fait des samples avec sa batterie, une vraie batterie, et là on sent vraiment le caractère drum de drum and bass, vraiment instrumentalement parlant, quoi. Il y a beaucoup de sensibilité. Et j'aime bien ce côté percussion qui est dans le son UK bass, en l'occurrence dans ce label. Et voilà. Et donc Ruby My Dear en fait partie. Ensuite, il y aura Ankle Pants. Et ensuite, il y aura trois derniers morceaux. Et puis, on ira visiter d'autres lieux, d'autres d'autres espaces éthérés de la fuite sempiternelle de notre monde qui est enfin, chevron. Allez, boum. Thank you. about to match your sur Radio Dio dans le 89.5 FM dans la boîte à bordel, et c'était Ruby My Dear que vous venez d'entendre, qui était complètement barré, avec un morceau qui s'appelait Windows 8, alors qu'on est à 11 maintenant, mais bon, c'est un peu vieux comme titre. Mais on n'a pas eu Windows 8, on a eu 7 XP 7, et après on est passé au 10. Oh là là, non, il y a eu Vista. Oh, je ne sais plus. Ouais, il y a eu pas mal d'évolutions. Enfin bref, c'était un album qui s'appelait Basic. Avant ce Ruby My Dear, on avait donc Rolando Simons avec le morceau Uncertainly Pound, sorti sur un album qui s'appelait World Building. Et avant, on avait Chevron avec un morceau qui s'appelait A23 by Night. Alors, un peu l'univers un peu nocturne sur la route en Angleterre. D'ailleurs, ça s'appelle Good Morning Britain. Voilà, comme les radios locales. C'est Good Morning Vatican. Mais il y a Good Morning Britain, et c'est le Chevron qui a créé le morceau, en l'occurrence, qui ressemble un peu avec l'influence UK. Ben, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas tellement de messages religieux dans tout ça. Voilà. Alors, on finit notre petite sélection de cette émission avec quatre producteurs, enfin trois, mais deux avec un artiste qui a sorti deux albums. Bon, voilà, dans la narration, pas visuelle, mais auditive. Enfin, comment on pourrait dire, ouais, auditive, narration qu'on entend, voilà, de ce que je raconte. Voilà. Et ben, je trouvais que ça se mettait bien l'un derrière l'autre. Donc, ça se passera comme ça, voilà. Et donc on aura ça, HVAD, et donc Scraze. Mais bon, pour le moment, on est sur Ankle Pants avec le morceau Your Host is Your Preset. Exactly. Jeans. We'll be right back. c'est la fin, ou presque. Ouais, il est 22h20, mais comme j'ai commencé en retard, j'ai le droit de déborder. Vous êtes toujours sur Radio Dio, et je vous ai fait une petite sélection, donc, qui s'achève, et nous allons passer aux nouveautés et aux événements qu'il y aura ici dans les environs. Et puis un petit qu'est-ce que c'est, voilà, en 9 minutes top chrono. Non, moi je sais bien que je vais déborder, mais enfin, c'est pas grave. Bon, alors, donc, j'avais dans mes petites nouveautés, il y avait Léonie Pernet qui a sorti un petit single. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien pour la boîte à bordel. Avec C'est Reconstruire le monde. En plus, le titre est trop beau. Réparer le monde, pardon. Et ça, c'est... Alors, il y a plusieurs titres de ce single. Et là, j'ai choisi celui qui a été remixé par ce Scratch Massive. Ensuite, il y a Golden Bug, un artiste français aussi, qui a sorti un album qui s'appelle Pisco Labis 2. Ouais, je trouve son univers sympathique aussi. Alors, je les ai sélectionnés, un morceau qui s'appelait Sakonsa. Ensuite, voilà, les nouveautés, ce sera assez bref, parce que finalement, j'aurai pas trop le temps, mais c'est pas grave, c'est moi, j'ai pas bien géré mon temps. Hein. C'est comme ça. Et donc, dans les soirées, j'ai noté qu'à Saint-Étienne, il y a deux petits événements sympas, avec des artistes assez atypiques. Hein. De toute façon, dans les événements stéphanois, il y a toujours des soirées totalement surprenantes. Hein. Mais j'aime bien ces confrontations dans l'expérimental, etc. au niveau électronique. C'est pour ça que j'aime cette ville. Et il y a vraiment beaucoup de propositions qui sortent de l'ordinaire. Et donc... ah oui, j'avais été voir Durya Yuldurum, c'était terrible, la salle était comble, une super ambiance, et vraiment c'était vraiment très bien, et voilà, c'est tout, voilà, je le dis, pour un toit, pas sans toit, en plus on se dit on va en soirée, et en plus on donne de l'argent pour des causes intéressantes. Ouais, on ne fait pas que vivre des cafetiers. Bon, la musique, encore une fois, et après il faut que je mette de la musique, 22h24. Alors j'ai vu qu'il y avait un label stéphanois qui s'appelle Airup, que j'ai marqué, excusez-moi, c'est tape, pourquoi je l'ai perdu ? Je l'avais... Enfin bref, il y a une soirée ici, mais il faut que je le retrouve, c'est pas possible. Alors, Wabi Sabi, c'est marrant comme nom. Tapes, alors ils font des cassettes et ils font des sorties, quoi, c'est un label. Wabi Sabi, c'est japonais le nom en fait, ça vient de... J'ai regardé l'esthétique un peu japonaise de la calligraphie, tout l'art un petit peu de traverse. On va dire esthétique un peu et je trouvais que c'est pas mal, et ils font une petite soirée donc comme ça c'est bien de découvrir un label en même temps les artistes proposés tout ça. Alors il y a Jean-Luc Guillonnet qui fait du saxophone et de la respiration, hein. C'est pas mal comme un solo de saxophone de Guillonnet, c'est une résonance secrète lovée au coin d'une charpente qui n'attend que de pétrifier l'atmosphère en vrombissant ou de nous emmener dans les brèches d'un non-dit. Et il y a Mash is a Girl, alors là c'est de la noise wave, et je vais vous passer un extrait de Mash is a Girl. Alors c'est assez particulier, hein. Alors elle dit, alors Mash is a Girl navigue sur le spectre éthéral, hardcore, inspiré des scènes XP, hyper pop, rave, et ambiante. Elle nous propose un set live noise hop mêlant samples de jeux vidéo, atmosphère de creepypasta et square wave do it yourself. Ce projet est né des savoir-faire électroniques acquis au ZKM à Karlsruhe et d'un deep dive dans les profondeurs d'Internet où elle a récolté des samples trip-hop occultes. C'est assez strange, hein. Alors ça se passera le 12, vendredi 12 décembre, 19h30, début des concerts. Ça c'est bien de dire le début des concerts, comme ça on arrive à l'heure, vraiment. Et c'est plus ou moins 7€ et c'est au 17 rue de la Mulatière à Saint-Étienne. C'est surprenant. Après, dans les autres événements, il y a le samedi 13 décembre, aussi un concert avec Feu Catherine, point d'exclamation, Paula Poney plus... Ah non, non, non, non, non, faut vraiment que je l'enlève, Arnaud, de ma boucle. Hop. Oh, pourquoi est-ce qu'il débarque là, franchement? Mais bref, je recommence. Donc, je disais... Le samedi 13 décembre à Saint-Étienne, il y aura un concert aussi de musique assez atypique, électronique en l'occurrence, de Synthwave, avec l'artiste que je vais vous présenter qui s'appelle Paula Poney, et Feu Catherine et Plus 1000 et 3 loutres. Alors, donc, si j'ai bien compris, donc, il y a trois groupes donc, qui joueront le 13 décembre à 19h30 au 15 rue Georges Dupré. Et donc il y a Paula Poney qui fait de la synthwave, chanson étrange, mais franchement le projet c'est pas mal. Feu Catherine, clown fantôme musical et flottant, et 1003 loutres, poésie électronique. Olive et Mavda. Ah, ça doit être pas mal. Hein. Et c'est l'ondulé qui organise ça. Bon, et eh ben écoutez, je vous passe ça et puis après on aura le qu'est-ce que c'est et puis voilà, on ira se coucher, hein, voilà, tout de go. Voilà, Léonie Pernet, hein, si vous avez suivi, et Golden Bug, disais-je, réparer le monde. C'était soi-disant Paul Laponet, mais c'est Pierre Noir. Alors j'ai du mal à comprendre, mais bon, vous aurez Paul Laponet qui s'appelle Mathilde Nègre aussi. Mmh. Vous irez régler vos comptes, hein, parce que sur YouTube, c'est mal identifié, mais c'est bien ça en fait. Hein. Paul Laponet, donc, que vous venez d'écouter avec un morceau qui est très poétique, très chargé en émotion, tout ça, et j'ai pas mis la musique de fin, et hop, plouf, Voilà, oh, ça fait du bien. Charger voilà, les dernières cargaisons de fin d'émission. Ouais, c'est bon, je suis prête pour finir mon outro. Donc, il y avait ce petit événement qui a lieu au 15 rue Georges Dupré. Donc, ce sera le samedi 13 décembre à 19h30. Voilà, si vous avez envie d'aller vous mettre dans ce genre de son, c'est l'ondulé. Ouais, c'est Paula Poney et Mathilde Nègre. Et c'est deux personnes différentes. C'est assez chelou, j'avoue. Bah, il faudrait que j'aille. Chercher des infos beaucoup plus précises. C'était Mathilde Nègre qu'on a écouté, mais en fait elle est aussi organisatrice de l'événement. Bon, ça sera un peu dans la même ambiance musicalement parlant. La meuf qui se rattrape. Et juste avant, je vous avais passé un morceau de Mash is a Girl du label du coup Sabi Wabi Sabi Tapes. Et donc ça, ce sera le vendredi 12 décembre à 19h. Voilà, vous retrouvez ces événements sur Facebook si vous voulez aller fouiller sur les autres groupes. Et ouais, non, je suis pas obligée de le dire qu'il y a le festival du sucre, mais là, c'est pas les mêmes tarots, hein. Il reste le samedi soir, hein, si vous voulez aller vous amuser, tout est plein, hein, voilà. Et en l'occurrence, il y a Rouge, je trouvais que ce projet Montpellierin électro qui est simple, qui est marron, un peu de. Ouais, qui correspond bien à l'esthétique un peu hardcore du moment. Mais bon, oui, pourquoi pas. Il y a quand même. Si j'avais dit, ah oui, il y a Sifax qui revient. Oh, il se plaît bien à Lyon. Marcel Detman, voilà, le samedi. Et c'était qui la dernière personne que j'ai vue qui était ce samedi? Tic tac tuk tuk, je ne me souviens plus. Oh, 30 euros quand même, hein, voilà. Si vous avez des sous, samedi soir. Je crois que c'est même pas toute la nuit. Bon, bref, allez, on se termine cette mission. Et je vous dis au mois de janvier, ouais. On commence déjà à avoir 2026. Et puis Noël n'est pas encore passé et tout ça. Mais je vous souhaite voilà, du courage pour vivre ces événements. Peut-être tragique en famille ou pas. Hein, peut-être que vous avez une famille bienveillante, aimante, etc. Voilà, qui aime cette fête capitalistique pénible à endurer et que vous mangerez peut-être gargantuesquement des repas pas du tout équilibrés, mais malgré tout très bons pour ce moral qui a besoin d'être remonté par du chocolat et de la nourriture très chère et très goûtue. Voilà. Ouais. Puis très cher, hein, surtout, c'est vrai que bon, il faut. Le 13e mois va y passer pour ceux qui ont un 13e mois. Bon, allez, j'arrête mes bêtises et je vous souhaite donc une bonne fin de journée, de nuit, de soirée, de tout ce qu'on veut. Je voulais passer Gaël de Stupéflip pour notre. Enfin, notre. Ouais, c'est pas mon maire, mais bon, malgré tout. Voilà, parce que Gaël, le morceau de Stupéflip me faisait marrer. Alors, je ne sais pas. Est-ce que j'ai le droit de le mettre 22h47? Ouais. Allez, je mets Gaël et ensuite on aura Tristesse Contemporaine de l'album éponyme avec le morceau Daytime, Nighttime. Le trio qui sait bien se mélanger, moi je trouve, entre le Jamaïcain à la basse, le chanteur so British et la batteuse japonaise. Voilà, ils se sont trouvés sur Paris, je trouve, et ils ont fondé un groupe qui, je trouve, a une couleur assez mélancolique. Et je trouve que ça finira bien cette sélection. Bon, des bisous. Allez, Gaël. Ta-da-da-da. C'est ça qu'on entend. Dédicace. Nothing ever happens, I lost all my passion. I just keep crashing, living on my rations. The bullets in the roses, devil in the poses. Don't know where my ghost is, don't know where my home is. Guess we never chose this, I'm in the sea with Moses. Looking for my roses, guess it's never hopeless. The bullets in the passion, devil in the poses. This has never happened, nothing ever happens. Nothing ever happened. The bullets in the rations, I'm looking for my passion.